Comment savoir que c'est notre guide qui nous contacte et non une entité farfelue ou négative? Lorsque vous recherchez des conseils dans le domaine spirituel, il est essentiel de discerner si l'entité qui nous contacte est un véritable guide ou une entité malveillante ou négative. La connexion avec nos guides peut être une expérience puissante et transformatrice, mais il est crucial d'être conscient de l'énergie et de l'intention derrière la communication. Cet article explore les signes qui signifient des conseils authentiques et fournit des informations sur la façon de faire la distinction entre les entités positives et négatives. En comprenant ces distinctions, nous pouvons favoriser une connexion plus profonde avec nos guides et nous assurer que leur influence a un impact positif sur notre cheminement spirituel. 1. Introduction, différencier les entités spirituelles positives et négatives. Comprendre le domaine spirituel. Le domaine spirituel est un monde vaste et mystérieux qui existe au-delà de notre réalité physique. C'est un domaine où diverses entités, énergies et forces coexistent. Alors que beaucoup de ces entités sont positives et nous guident vers la croissance et l'illumination, il existe également des entités négatives et farfelues qui cherchent à nous tromper ou à nous nuire. L'importance de faire la distinction entre les entités positives et négatives. Être capable de faire la différence entre les entités spirituelles positives et négatives est crucial pour notre bien-être spirituel et émotionnel. Les entités positives, telles que les guides spirituels ou les anges, peuvent offrir des conseils, un soutien et une protection pendant que nous naviguons sur le chemin de notre vie. D'un autre côté, des entités négatives peuvent essayer de nous manipuler ou de nous tromper, nous égarant ou provoquant une peur et une confusion inutiles. Il est essentiel de développer la capacité de reconnaître les conseils authentiques de nos guides pour nous assurer que nous ne sommes pas trompés ou induits en erreur par des entités négatives déguisées. 2. Signes de conseils authentiques, modèle de communication digne de confiance. Message clair et cohérent. L'un des principaux signes d'une orientation authentique est de recevoir des messages clairs et cohérents. Nos guides communiquent avec nous par divers moyens, tels que des idées intuitives, des signes, des synchronicités, des rêves ou même une communication directe pendant la méditation ou la prière. Ces messages sont souvent simples, concis et conformes à notre plus grand bien. Si les messages que nous recevons sont déroutants, contradictoires ou évoquent la peur et la négativité, il est possible qu'ils ne viennent pas de nos guides authentiques. Des conseils dignes de confiance devraient toujours nous donner un sentiment de pouvoir et d'inspiration, plutôt que de doute ou de peur. Sentiment d'amour et de soutien inconditionnel. Les conseils authentiques de nos guides spirituels s'accompagnent généralement d'un profond sentiment d'amour et de soutien inconditionnel. C'est une énergie douce et nourrissante qui nous élève et encourage la croissance personnelle. Nos guides veulent le meilleur pour nous et offriront toujours des conseils avec compassion et compréhension. Si nous ressentons une négativité, un jugement ou une manipulation à travers les conseils que nous recevons, il est essentiel de s'interroger sur sa source. Les entités négatives peuvent essayer de se déguiser en guides positifs, mais leurs intentions manqueront de l'amour et du soutien véritable caractéristique d'une guidance authentique. 3. Discernement intuitif, s'accorder à l'énergie et à l'intention. Développer et faire confiance à l'intuition. L'intuition est un outil puissant pour discerner entre les entités positives et négatives. En développant et en faisant confiance à notre intuition, nous pouvons mieux ressentir les intentions et les énergies des entités qui viennent à notre conscience. L'intuition s'exprime souvent à travers des sentiments intestinaux, une connaissance intérieure ou un sentiment de résonance ou de dissonance avec l'énergie présente. Prendre le temps de calmer l'esprit, de pratiquer la méditation et de se connecter à notre sagesse intérieure peut renforcer nos capacités intuitives. Plus nous faisons confiance et comptons sur notre intuition, mieux nous devenons équipés pour discerner l'authenticité de la direction spirituelle. Détection de la signature énergétique des entités. Chaque entité spirituelle porte sa signature énergétique unique, qui peut être ressentie par l'intuition. Les entités positives dégagent une énergie aimante et édifiante qui résonne harmonieusement avec notre propre énergie. Les entités négatives, en revanche, peuvent se sentir lourdes, épuisantes ou produire un sentiment de malaise et d'inconfort. Lorsque vous rencontrez une nouvelle présence ou que vous recevez des conseils, faites attention à ce que vous ressentez énergétiquement. Apporte-t-il de la légèreté et de l'expansion, ou vous laisse-t-il vide ou mal à l'aise? Faire confiance à ces impressions énergétiques peut vous aider à discerner si l'entité est de nature positive ou négative. 4. Établir une connexion, créer un espace sacré et définir des intentions. Cultiver un environnement sûr et sacré. Pour inviter des conseils authentiques et nous protéger des entités négatives, il est avantageux de créer un espace de communication sûr et sacré. Cela peut être fait en nettoyant l'énergie de l'espace physique par le maculage, en utilisant des cristaux ou en jouant de la musique apaisante. La mise en place d'un hôtel ou d'un espace sacré personnel peut également aider à établir une connexion avec des énergies spirituelles positives. Maintenir un état d'esprit positif, nous entourer d'une énergie édifiante et pratiquer les soins personnels contribuent à cultiver un environnement sûr pour que des conseils authentiques s'épanouissent. Définir des intentions claires pour la communication. Avant de s'engager dans toute forme de communication spirituelle, il est essentiel de définir des intentions claires. Énoncez clairement votre désir de vous connecter uniquement avec des entités spirituelles positives et authentiques et demandez leurs conseils pour votre plus grand bien. En fixant ces intentions, nous créons une barrière protectrice contre toute entité négative ou trompeuse qui pourrait tenter d'interférer. De plus, des pratiques régulières de mise à la terre et de protection, telles que la visualisation d'une lumière blanche qui vous entoure et vous protège, peuvent encore améliorer votre capacité à vous connecter avec vos véritables guides spirituels tout en gardant les entités indésirables à distance. N'oubliez pas que même si le domaine spirituel peut être merveilleux, il est toujours important de l'aborder avec discernement, humour et un soupçon de bon sens. En utilisant ces stratégies, vous pouvez naviguer dans le domaine de la guidance spirituelle avec confiance et éviter toute entité farfelue ou négative en cours de route. 5. Demandez une confirmation, cherchez la validation à travers les signes et les synchronicités. Reconnaître les signes et symboles significatifs. Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il s'agit de notre guide qui tend la main ou simplement d'un esprit malicieux, une façon d'obtenir de la clarté consiste à utiliser des signes et des symboles. Nos guides les utilisent souvent pour communiquer avec nous de manière subtile mais significative. Faites attention aux motifs ou symboles récurrents qui attirent votre attention. Qu'il s'agisse de voir les mêmes chiffres partout ou de trébucher sur un animal particulier à plusieurs reprises, ces signes peuvent avoir une signification. Gardez l'esprit ouvert et faites confiance à votre intuition pour déchiffrer leurs messages. Interprétez les synchronicités comme guides. Une autre manière dont les guides font connaître leur présence est à travers les synchronicités. Ce sont ces délicieuses coïncidences qui vous font vous demander si quelqu'un là-haut tire les ficelles. Lorsque vous rencontrez des synchronicités, prenez du recul et essayez de relier les points. Y a-t-il des messages sous-jacents ou des leçons qu'ils pourraient véhiculer? Les synchronicités servent souvent de repères dans notre voyage spirituel, nous poussant doucement dans la bonne direction. Embrassez ces moments magiques et laissez-les renforcer la connexion avec votre guide. 6. Testez les directives, évaluez la cohérence et les résultats bénéfiques. Évaluation de la cohérence des orientations. Si les signes et les synchronicités peuvent être rassurants, il est essentiel d'évaluer la cohérence des conseils reçus. Nos guides opèrent à partir d'un lieu d'amour et de sagesse, donc leurs messages doivent refléter cela. Si vous trouvez des conseils contradictoires ou recevez des conseils qui ne correspondent pas à vos valeurs fondamentales, cela vaut la peine de prendre du recul et de réévaluer. Faites confiance à votre intuition et n'ayez pas peur de remettre en question les conseils que vous recevez. La cohérence est essentielle lorsqu'il s'agit de faire la distinction entre une orientation authentique et quelque chose de moins souhaitable. Réfléchir aux résultats positifs et à la croissance. Évaluer les résultats des conseils que vous avez suivis est une autre façon d'évaluer leur authenticité. Cela a-t-il entraîné des changements positifs dans votre vie? Cela vous a-t-il aidé à grandir et à mieux vous comprendre? Réfléchissez à l'impact des conseils reçus et demandez-vous s'ils correspondent aux intentions que vous avez définies. Des conseils authentiques conduisent souvent à une croissance personnelle, à des transformations positives et à un sentiment d'alignement avec votre objectif supérieur. Célébrez vos progrès et laissez-les renforcer votre connexion avec votre guide. 7. Protection et limites, se protéger des entités négatives. Établir des techniques de protection énergétique. Parfois, ce n'est pas notre guide qui essaie d'attirer notre attention mais plutôt des entités négatives qui cherchent à semer le trouble. Pour vous protéger de leur influence, mettez en place des techniques de protection énergétique. Celles-ci peuvent inclure la visualisation d'une bulle de lumière protectrice qui vous entoure, l'appel à l'aide d'alliés spirituels ou l'utilisation de cristaux connus pour leurs propriétés protectrices. trouver ce qui résonne en vous et créer une pratique pour protéger votre énergie des intrusions indésirables. Établir des limites fermes et affirmer l'autorité. En plus d'une protection énergétique, il est crucial de fixer des limites fermes et d'affirmer votre autorité. Faites savoir à ces entités malfaisantes que vous contrôlez votre voyage spirituel et que vous ne subirez aucune interférence négative. Tenez-vous droit, dites votre vérité et affirmez vos limites avec confiance. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir qui ou quoi influence votre chemin. En fixant des limites claires, vous créez un espace sûr et sacré pour que de véritables conseils puissent transparaître. 8. Cultivez le discernement spirituel, renforcez l'intuition et la connaissance intérieure. Pratique pour améliorer l'intuition et le discernement. Lorsqu'il s'agit de faire la différence entre les conseils authentiques et les énergies trompeuses, cultiver le discernement spirituel est vital. Faire confiance à votre intuition et affiner votre savoir intérieur peut être un outil puissant. Pratiquez la méditation, tenez un journal ou participez à des activités qui apaisent l'esprit et permettent à votre intuition de prendre le devant de la scène. Plus vous vous connectez avec votre sagesse intérieure, plus il devient facile de reconnaître les véritables conseils de votre guide. Approfondir la connexion avec le soi supérieur. Se connecter avec votre soi supérieur est une belle façon de renforcer votre discernement spirituel. Votre soi supérieur détient un réservoir profond de sagesse et agit comme un pont entre vous et votre guide. Par la méditation, la visualisation ou d'autres pratiques spirituelles, efforcez-vous d'approfondir cette connexion. Au fur et à mesure que vous vous alignez avec votre soi supérieur, les conseils que vous recevez deviennent plus clairs et plus résonnants. Faites confiance à cette connexion et permettez-lui d'approfondir votre lien avec votre guide, aidant finalement à distinguer leur présence authentique des imposteurs. En conclusion, être capable de faire la différence entre les entités spirituelles positives et négatives est crucial pour notre croissance spirituelle et notre bien-être. En reconnaissant les signes d'une guidance authentique, en affinant notre discernement intuitif et en établissant une connexion solide avec nos guides, nous pouvons naviguer dans le domaine spirituel avec confiance et clarté. Il est tout aussi important de se protéger des entités négatives, d'établir des limites et de cultiver le discernement spirituel. Grâce à ces pratiques, nous pouvons nous assurer que les conseils que nous recevons sont authentiques, favorables et conformes à notre plus grand bien. En faisant confiance à la sagesse de nos guides, nous pouvons nous embarquer dans un voyage transformateur de découverte de soi et d'évolution spirituelle. FAQ 1. Comment puis-je savoir si l'entité qui me contacte est un véritable guide ou une entité négative? Faire la distinction entre les entités positives et négatives peut être difficile, mais il y a quelques signes clés à surveiller. Les véritables guides communiquent souvent avec des messages clairs et cohérents, dégageant un sentiment d'amour et de soutien inconditionnel. D'autre part, les entités négatives peuvent présenter des schémas de communication erratiques ou évoquer des sentiments de peur, de doute ou de négativité. Faire confiance à votre intuition et prêter attention à l'énergie et à l'intention derrière la communication peut grandement aider à discerner la nature de l'entité. 2. Que se passe-t-il si je reçois des conseils contradictoires ou des signaux mitigés de la part de mes guides? Parfois, il est possible de recevoir des conseils contradictoires ou des signaux mixtes de la part des guides. Dans de tels cas, il est important de prendre du recul et de faire confiance à votre sagesse intérieure. Réfléchissez aux conseils en question et évaluez leur alignement avec vos valeurs, votre intuition et votre moi supérieur. Cherchez la confirmation par des signes, des synchronicités ou la méditation peut également apporter de la clarté. En fin de compte, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de discerner ce qui résonne avec votre vérité et de faire des choix qui vous conviennent. 3. Comment puis-je me protéger des entités négatives pendant la communication spirituelle? Se protéger des entités négatives est crucial lorsque l'on s'engage dans une communication spirituelle. Vous pouvez établir une protection énergétique en visualisant une lumière blanche ou un bouclier protecteur qui vous entoure avant d'initier tout contact. Définir des intentions de communication claires, en indiquant que vous n'invitez que des entités positives aimantes, peut également aider à filtrer les énergies négatives. De plus, maintenir des limites personnelles fortes et affirmer votre autorité en tant que canal de communication peut dissuader davantage les entités négatives. 4. N'importe qui peut-il établir une connexion avec ses guides, ou n'est-il accessible qu'à quelques privilégiés? Établir une connexion avec vos guides est accessible à tous, car nous avons tous la capacité inhérente de nous connecter avec le monde spirituel. Cela peut nécessiter de la pratique, de la patience et un esprit ouvert, mais avec un dévouement et une intention sincère, n'importe qui peut cultiver cette connexion. Faites confiance à votre propre intuition innée et à votre connaissance intérieure, et soyez ouvert à recevoir des conseils sous diverses formes telles que les rêves, la méditation ou les synchronicités. N'oubliez pas que les conseils de vos guides sont disponibles pour vous soutenir et vous aider dans votre voyage spirituel unique. Page 55. Nous allons explorer l'univers des annales akashiques. Page 55.